On m'avait prévenu pour connaître le bonheur. Faut prendre des coups, accepter la douleur. J'ai dû me battre pour laver mon honneur. Le parfum du mépris, moi j'en connais l'odeur. Nombreux sont ceux qui veulent me voir à terre. Abandonner, c'est pas dans mon caractère. J'préfère agir, on parlera après. Et même si je dois tout perdre, tant pis. Un jour ou l'autre, on va bien sortir du lot. Tant pis. J'ai sur le dos le poids du regard des autres. Tant pis. Je joue mon rôle, certains disent que j'en fais trop. Tant pis. Je ferai des fautes, ça prouvera que je ne suis qu'un homme. J'ai changé de vie, je n'ai pas changé de cœur. Mon âme et ma raison se sont mis d'accord. T'attends mon pardon, mais t'es plein de rancœur. Les mots ne m'atteignent plus, j'ai surmonté mes peurs.